terrain est bandant. Un jour de pluie, c'est quand des coups de feu dans le temps. Quand y'a plus de terrain d'entente, où le décès t'attend. Quand le mal te trotte, ou quand un frère tu escroques, plus de quoi rester crotte. C'est un jour de pluie, si tu touches à la cam, y'a que des jours de pluie. Regarde autour de toi, y'a trop de jours de pluie. Parfois inévitable, ces putains de jours de pluie. Moi aussi j'ai connu, vécu des jours de pluie. La merde, j'la côtoie, à sens c'est sans répit. Des LK, c'est du lourd, même si de taille j'suis petit. Bastos lyrical, j'ai trop d'appétit. Le jour où j'rapperai plus, sera un jour de pluie. En attendant j't'épate, de la rue vient mon inspire. C'est juste un jour de pluie sous la pluie. Ta galerie de bus sous la brise, j'tente ma vie de brute. Sors par 14 nuits, j'viens mettre des bulles. Stopper les buts, couper les souffles, raconter comment j'souffre. De manque de sous, d'amour coule blues. Comme me voir passer de star à la loose. J'analyse ma vie, mais j'me vois dans la mousse. La vie c'est dur, j'la pris depuis peu. Dur comme calé soit coupé ou calé sous un coup de feu. Qui peut enfin, qui veut me sortir de cette mélancolie. J'me sens prisonnier comme en Angola. J'ai la gola padola ici. J'ai le sang chaud, pourtant j'ai un cœur de glace. J'suis manchot depuis que j'ai tendu les bras. Dans ma vie c'est jour de pluie. Depuis que le tonnerre gronde dans ma tête. J'suis un mieux qui présente sa maquette. Comme Nadal sans raquette. Ma vie c'est baston pour les pistons. Ma mère m'a dit arrête le rap si t'as pas de piston. Elle dit que moi la voix de la tête sur ma tête. J'repense au passé. Assez de cela jouer de s'entretuer. Encore un jour de pluie, regarde le ciel est gris. La vie nous rend aigris, c'est de l'amertume qu'on écrit. Encore un son triste à vue, nos plumes dépriment. Encore un jour de plus où la joie se défile, on se méfie. Car les humeurs se réfèrent au temps. Puis on lâche rien, même si nos problèmes sont. Puis je t'en prie, fais fuir ces jours de pluie. Mais bon, tu sais, parfois je me demande si Dieu nous entend. Encore un jour de pluie dans lequel se noient nos vies. Chacun a ses souffrances face à la vie, on est novice. Notre liberté n'est pas tatouée sur le corps de Scofield. Faut garder espoir, peut-être qu'au loin les beaux jours se profilent. Fais gaffe car la vie est une boutique de farce et attrape. Évite les gars, c'est le vice où tu passes à la trappe. J'rappe pour les miens, pour ceux qui se voient dans mes chansons. Y'a trop de faux jugements à croire que les gens sont tous faux. Ouais, tous perdus dans ce troupeau. Faut fermer le robinet pour éviter la goutte d'eau. Goûter par ce monde car tout se dégrade ici où la joie se fait rare. Comme les jours où je me couche tôt. Un mal-être quotidien qui me plonge dans le doute. Quand je vois comment ça se passe, c'est mon avenir que je redoute. Malgré la pluie, la vie, je ne pourrai pas m'en séparer. J'irai au bout de mes rêves même si sur ma route c'est barré. Dieu a créé l'homme un jour. C'est chacun pour sa pomme. On trouvera pas de sérum. Tous les chemins mènent à Rome. Alors ferme-la et suis. J'prends de la hauteur, assis par terre. Et même si je fais des erreurs, je saurai me taire. Tout le monde arrive à l'heure, aux portes de l'enfer. Oublie ta rancœur avec du whisky dans un verre. Je reproche aux gens ce que je fais moi-même. Quand t'as pas d'argent, y'a que le shit qui t'aime. Tous des grands, sans voir école, que le blanc. On se tourne les glands comme le chinois tourne les nems. J'ai l'air gentil, j'suis comme Boubou. Et si j'dégoupille, j'te pète sans Goku. Y'a que devant Dieu que j'm'accroupis la main autour. Du coup, ton œil n'a pas d'inspi. J'tente le diable, j'fais le casse-cou. Encore un jour de pluie, regarde le ciel est gris. La vie nous rend aigris, c'est amertume qu'on écrit. Encore un son triste à vue, nos plumes dépriment. Encore un jour de plus où la joie se défile, on se méfie. Car les humeurs se réfèrent au temps. Puis on lâche rien, même si nos problèmes sont. Puis les je t'en prie, fais fuir ces jours de pluie. Mais bon, tu sais, parfois je me demande si Dieu nous entend. Encore un jour de pluie, où mon ciel bleu vire au gris. Tout est sombre et la vie me parle en langage hiéroglyphe. Je veux bien finir trempé si le jour en vaut la chandelle. Un rayon de soleil éclaircit ma vie, je suis fou d'elle. Ma vie me réchauffe par ce temps noir orageux. Et je préfère lui consacrer mon temps plutôt qu'orageux. Ces nuages au-dessus de ma tête sont menaçants. Les erreurs de ma vie, je les fais et cache de mon sang. Il y a des jours où je ferme les volets pour ne pas voir ces paysages. C'est inquiétant autour de nous, il y a trop peu de paysages. Les armes à feu, les prostituées, la drogue, les trafics d'organes. Ce gamin qui a le plus de pénis que le vagin de Claire Morgane. Est-ce que la vision est un don? Je m'interroge. De toute façon, même ce que j'entends me dérange. J'espère que cette pluie cessera de frapper à ma fenêtre. Vivement l'arc-en-ciel que je puisse renaître. Jour de pluie, réveil endurci par le mauvais temps. Pas la motive d'aller taffer, mais y'a pas le choix, il me faut de l'argent. Accro du mic et du stylo, des rimes et du flow. Et quand Dieu pleure, la rive est inondée, je m'y noie dedans. Les gouttes ont dilué le rouge vif de mon cœur. Et la sueur des sœurs ne suffira pas pour stopper les pleurs. Le son me nourrit de l'intérieur et le taf me nourrit tout court. Alors je veux taffer le son qui m'apportera son secours. Et plus tu cours, et plus t'as de chance de chasser sur ta route. Ça va trop vite, tu n'as pas le temps de douter. Prenne la cadence, pose-toi un peu, écoute la pluie. Tu verras qu'au fond, elle t'aide. à Medji. Le soleil du 06 a assoiffé ma plume. Quand vient la fraîcheur de la lune, celle-ci s'agite, finit par glisser sur mon cahier, comme s'il pleuvait des mots, des métaphores, des histoires vraies, un peu de ma vie comme un mémo. Encore un jour de pluie, regarde, le ciel est gris. La vie nous rend aigris, c'est amertume qu'on écrit. Encore un son triste, un but, nos plumes dépriment. Encore un jour de plus sous la joie se défile. On se méfie, car les humeurs se réfèrent au temps. Puis on lâche rien, même si nos problèmes sont. Puis je t'en prie, fais fuir ces jours de pluie. Mais bon, tu sais, parfois je me demande si Dieu nous entend. Encore un de ces matins où je me lève avec la rage. Encore un de ces jours où dans ma tête c'est l'orage. Encore une fois de plus, je prends mon style en otage. Et comme aujourd'hui, la pluie brouille le paysage. En deux spies, mon inspi verse des vers et vexants. Mais que dire, il fait gris. Ici, y'a pas d'exemple. La routine s'installe, le mal prend de l'ampleur. Pourquoi dire que ça va alors que certains sont en pleurs? J'ai du mal à croire que beaucoup de gens peuvent s'en sortir. Quand je tire mon tiroir, peu de chaussons prêtes à sortir. Je m'apprête à partir quand soudain une voix me dit: y'a l'enfer qui t'attend, car c'est un jour de pluie. T'inquiète, je patiente pour que mon inspi s'étire. Ensuite, je me concentre jusqu'à ce que mon cerveau sature. Tous ces rêves s'enterrent, la vie perd sa senteur. Les cœurs finissent brisés, l'homme souffre, le martyr. J'ai pas encore dit bonjour à ma mère. À l'infini, je m'appuie, ça sent pas les faux jours dans l'air. Et cette odeur de pluie dès le matin, je suis sur les nerfs. À force de l'odeur de l'orage, qui celle qui rend toujours vénère, qui met la rage. Et puis les petits ne font plus leur âge, le gangster est modèle. Beaucoup visent l'arc-en-ciel, mais n'en obtiennent que les nuages. De respect pour les plus âges, j'ai plus le temps de partage. Et ça joue plus au même, je sais à celui qui sera le moins sage. Mais qu'on m'arrête si j'ai tort, y'a besoin de la pluie pour apprécier le beau temps. Y'a besoin de la mort, sinon la vie, on l'aimerait pas autant. Les pas d'accord.